J'ai les keufs sur mon dos, j'ai mon bébé dans son ventre. Ouais. J'ai les keufs sur mon dos, j'ai mon bébé dans son ventre. J'ai ma zipette dans son ventre, au début c'était bien. Mais tu connais au fil du temps, ça devient de plus en plus chelou. J'étais pas mon Dieu, j'ai toujours été sincère. Toujours calibré dans les restes, ouais, je m'insère. J'suis dans les affaires. J'ai un seul but dans la cyclo, dans les affaires. Donc si demain ça marche plus, j'ai ce qu'il me reste à faire. J'ai charbonné, puis 5 années pour en arriver là. Elle pas changé d'équipe, c'est tout. Elle veut que je l'aime, mais c'est qu'elle aime trop. Elle veut que je la démarre, ma première rose. Elle est belle, mais c'est qu'elle aime trop. Elle fait craquer les matricons. Quand j'en veux pas, tout le monde dans la S. Qui va approcher, chauffer la gueule. Elle fait des biens, mais c'est qu'elle aime trop. Elle fait craquer les matricons. Je crois bien que je suis pas fait pour elle. La suite m'attire, mais je veux pas finir avec elle. Non, je vais pas hésiter. Si je dois rester pour un de mes frères, en vérité, je crois bien que je suis pas en fait pour elle. Je m'ai pas fait pour elle. Je suis pas fait. Si je me fais péter, elle va pas supporter. Si je me fais péter, elle va pas supporter. Tu prends des distances, j'ai dit de m'attacher. À la longue, tu diras que je suis qu'un bon. Magie, tu sais que j'ai ma grappe sur la blue magie. J'tombe pas sur la zig, j'peux pas finir fauché. Je sais que j'suis resté comme un gaucher, gaucher. Les balles font des ricochets, cochés. Sur le terrain, virgule crochet. Ouais, j'peux pas m'accrocher. J'ai fait des dingueries pour le papel. J'ai fini la bouteille, j'suis pété comme Marley. Le statut a changé. Tous ceux qui bombaient, ils se mettent à sucer.